vendredi après-midi. Le papier. Le tabac. Le briquet. Classique en ce vendredi 16 mai 2014. Je m'appelle Alain Lefebvre et je serai là pour vous accompagner en musique pour les 6 prochaines heures. Aujourd'hui, comme nous sommes le troisième vendredi du mois, je vais vous présenter en compagnie du Dr. Pendragon le traditionnel 3 pour 1 rock classique, c'est-à-dire que tout au long de l'après-midi, nous allons vous présenter des blocs de 3 pièces qui nous viennent d'un seul et même artiste ou groupe qui représente certains des styles de musique associés regroupés sous la grande bannière rock classique. On va entendre du hard rock, du folk rock, du rock and roll, du shock rock, du southern rock, du rock psychédélique et du progressif, ainsi que, comme d'habitude, du métal. On va entendre des artistes, des groupes comme, entre autres, Grand Funk Railroad, The Who, Thin Lizzy, Steppenwolf, Iron Butterfly, Johnny Winter, Offenbach, Steel Panther et, bien sûr, Kiss. Dans la chronique des groupes obscurs, je vais vous parler d'un trio féminin anglais des années 80 du nom de Rock Goddess et je vais vous parler de deux nouveautés, soit le nouvel album du Canadien Danko Jones, Garage Rock, et la réédition de l'album Positive Vibration de 10 Years After. Seule exception à ce 3 pour 1, le Dr. Pendragon va vous présenter une face complète d'un album véné de classique paru il y a 21 ans, soit Wolverine Blues de Entombed. Bien sûr, avant de passer à tout ça, Simon Fitzbé va venir nous visiter dans la première heure de l'émission pour vous présenter les éphémérides du rock de la semaine du 12 au 18 mai. Donc, une autre émission qui devrait plaire aux vrais amateurs de vrai rock. Question de débuter en force et de se mettre tout de suite dans le bain pour les éphémérides. On va écouter un des groupes absolument brillants et un des plus influents de la fin des années 60. Je parle de Traffic avec Empty Page. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus. C'est fou. C'est notre FM. Traffic, Empty Pages, une pièce absolument merveilleuse qu'on retrouve sur le fantastique album John Barleycorn Must Die, paru en 1970, une pièce dans laquelle Steve Winwood jetait un regard en arrière sur son passé et qui lui faisait d'autant plus apprécier son présent d'alors. On célébrait l'anniversaire de Steve Winwood cette semaine. Et effectivement, Steve Winwood continue à regarder son passé du haut de ses 66 ans. Il est né le 12 mai 1948. Il s'est d'ailleurs illustré, entre autres, au sein des Spencer Davis Group et Traffic. Oui. Quand il a enregistré cette pièce qu'on vient d'entendre, Empty Pages, Steve avait seulement 22 ans. Mais il était déjà un vétéran de la scène musicale anglaise depuis plusieurs années. Ouais. Je pense qu'il a commencé à 15 ans avec le Spencer Davis Group. C'est incroyable. Vous avez reconnu sa voix, bien sûr. J'ai maintenant le plaisir d'être en compagnie de M. Simon Fitzbé, l'authentique, le véritable historien de C'est fou, car c'est maintenant l'heure de passer à ceci. Les éphémérides. C'est au son de ce Big Bang initial que nous faisons maintenant un retour dans le temps sur la fascinante, fantastique histoire du rock. Dis-nous, Simon, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire dans la semaine du 12 au 18 mai? Ben, comme à chaque semaine, on a des anniversaires des plus intéressants. On a également des certifications de disques des plus dorés. Et aussi, d'autres événements loufoques et... Irrisibles. Irrisibles, voilà. Comme nous trouvons chaque semaine au sein des éphémérides. Et on continue cette journée du 12 mai en 1963. Alors que Bob Dylan quitte le plateau du Ed Sullivan Show en pleine générale, alors que les censeurs de CBS lui apprennent qu'il ne peut pas chanter Talking John Birch Paranoid Blues en ondes. Oui, ben il a bien fait, je trouve. Oui. Puisque c'est inacceptable, ça. C'est pas une chanson vulgaire ou c'est pas une chanson de mauvais goût, hein, c'est juste un protest song. Alors, c'était déplacé, je trouve, de la part des censeurs de CBS. Vraiment. Mais eux se croyaient tout permis à l'époque. Ah, ben oui, ben les grands dieux, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Ben, c'était pas juste à la télévision aussi, on l'a vu au cinéma. Hein? Oui. On est obligé de changer des parties, des scènes de films, des scénarios à cause que les censeurs ne permettaient pas, ne permettaient à peu près rien. Ouais. C'est vraiment un tour de force de réaliser des chefs-d'œuvre comme on a vu dans les années 40, surtout 50 là, et début 60, là, avec toutes les contraintes auxquelles les gens étaient, les créateurs étaient soumis. Oui, vraiment. C'était pas une superbe période. Non, c'est la liberté d'expression. Non, absolument pas. Non. Période terrible. Donc, bravo, Bob Dylan. Oui, il a bien fait. En 1968, cette fois-ci, c'est Jimi Hendrix qui est arrêté à Toronto pour possession d'héroïne et de hashish. Les charges ont été abandonnées quelques temps plus tard. Donc, probablement qu'il a fait valoir que c'était pas à lui ou transportait ça pour quelqu'un. Mais donc, il s'en est bien tiré comparativement à Keith Richards qui, lui, a eu très peur quelques années après. Ça, il a fait, dans le fond, il a fait un Rob Ford de lui. Oui, oui, c'est ça. Il était tellement aimé que ça, on a passé outre ses mauvaises habitudes. En 1971, parlant justement du risible, eh bien, le divorce plutôt de Jerry Lee Lewis et sa cousine Myra Brown est officialisé enfin. Je crois que ça faisait quelques années déjà qu'il n'habitait plus avec elle. T'es rendu beaucoup trop vieille. Exactement. Hein? Avec quoi, 26, 27 ans? Ouais, quelque chose dans le genre. Elle était encore dans sa prime vingtaine. Mais, ouais. Ah, c'est incroyable. Mais, je crois qu'il était... Si, il n'était pas déjà remarié, il était sur le point, si je ne m'abuse. Parce que quand il a marié, Myra était encore marié. Donc, il a été... c'est ça, il était bigame. On va le voir un peu plus loin dans les éphémérides. Parce que parfait. Tout un monsieur. Oui. Quel personnage, ce Jerry. Donc, c'est en 1977, les Eagles qui obtiennent un disque d'or pour Hotel California. Oui, bien sûr, c'était une pièce omniprésente sur les ondes des radios. Général, mainstream, là, même les plus quétaines, faisaient tourner Hotel California. Et continuaient de le faire, d'ailleurs. En effet, c'est au moins une fois par jour. Également, en 1975, on retourne dans le temps, deux ans auparavant, alors que l'album Caddy Lied de Steely Dan est certifié, lui, disque d'or. Oui. Donc, on est dans une journée dorée, le 12 mai. Et on terminera cette journée en 1981 avec la sortie de Face Dances des Who, qui célèbre ses 33 ans cette semaine. pas très bon, Face Dances des Who. Ça, c'est le premier album. C'est le disque d'or. Oui, absolument. Sauf que c'est à cause du nom de Who. Mm-hmm. C'était le premier album qu'ils enregistraient sans Keith Moon. Mm-hmm. Et c'est décevant. Ouais, c'est difficile de revenir. Les trois albums qu'ils ont enregistrés. Après Keith Moon, là, il y en a quand même pas fait des masses. Il y en a pas fait là, beaucoup, en presque 40 ans. En 36 ans, ils en ont fait trois. Ils sont pas bons, les trois. Face Dances étant peut-être le meilleur des trois. Mm-hmm. Parce que It's Hard est vraiment pas bon. Ouais. Et le dernier qu'ils ont fait il y a quelques années, j'ai oublié le titre, vraiment mauvais. C'est malheureux. Oui, ils en ont sorti un en 2006. Je m'abuse, j'arrivais à la station et il est sorti à l'automne. Ben, c'est pas bon. Moi, je ne l'ai pas écouté depuis ce temps-là. Je ne l'avais pas aimé quand il est sorti. Mm-hmm. Moi, je me rappelle, je t'avais pas apprécié. Que... Non. C'est pas ce que j'ai entendu de pire, là, mais c'est pas très bon non plus. Ouais. En tout cas, c'est décevant de la part des Who, un groupe légendaire. Surtout avec tout le temps qu'ils prennent dans chaque album, là, mm-hmm. on s'attendrait à quelque chose de mieux. Oui, parce que les gens ont beau chialer, il y en a plusieurs qui disent que les Rolling Stones, les albums qui sortent, sont pas bons. Hey, c'est vraiment des chefs-d'œuvre mm-hmm. comparativement à ce que les Who ont fait. Ben, si je ne m'abuse, l'année avant le dernier album des Who, il y avait eu les Rolling Stones avec A Bigger Bang. Mm-hmm. C'était un bon album. C'était pas un chef-d'œuvre, mais c'était meilleur. C'est correct. Et Paul McCartney qui avait lancé aussi Chaos and Creation de Backyard. Ah oui, ça, c'est un chef-d'œuvre. Donc, c'était tout dans cette période-là et malheureusement, les Who n'ont pas réussi à. Non. Et Face Dancer, pour la première fois, mettait en évidence que le puits s'était probablement asséché. Oui, vraiment malheureux. Ce qui nous amène à la journée du 13 mai. Oui, on débute cette journée en 1950 avec la naissance de Stevie Wonder qui célèbre ses 64 ans. Oui. Beaucoup plus jeune que je croyais. Et à chaque année, je me surprends de voir à quel point il est. Oui, ben c'est ça. Il a commencé tellement jeune. C'est ça. Il a commencé à quoi, 13, 14 ans? Il s'appelait Little Stevie Wonder. Oui. En 1955, une émeute a lieu après un concert d'Elvis Presley à Jacksonville, en Floride. Et c'était la première fois qu'une émeute a survenu après un concert d'Elvis Presley. Oui, et une des premières émeutes après un événement rock'n'roll. Là, par la suite, pendant une vingtaine d'années, il y en a eu beaucoup d'émeutes. Là. Oh oui, c'est devenu... que quelque chose, un événement rock se produisait, c'était pas surprenant qu'il y ait eu une émeute. C'est devenu standard. Ouais. Et justement, parlant de standard, mais parlant de notre bouffon, en 1958, c'est Jerry Lee Lewis qui obtient le divorce de sa seconde femme, oui, 6 mois après avoir marié sa cousine Myra. Ah, Myra était sa troisième femme? Je crois que oui. Il s'est marié 6 ou 7 fois en tout dans sa vie. C'est, ouais. Il a été bigame pendant 6 mois. Mm-hmm, ouais. C'est effectivement. Particulier. Et elle avait donc 26 ans, Myra, lorsqu'elle a été divorcée par Jerry, Jerry Lee Lewis. En 1971, c'est Grace Slick, chanteuse de Jefferson Airplane, qui encastre sa Mercedes dans un mur près du Golden Gate Park à San Francisco. T'étais pas très à jour. Non, c'est ça. Elle a une histoire avec les substances. Et on terminera cette journée d'éphéméride du 13 mai en 2011, alors qu'un panel de journalistes, musiciens et professeurs d'université vote majoritairement pour la meilleure chanson de Bob Dylan qu'ils jugent être « Like a Rolling Stones ». Les votes ont été compilés par le magazine Rolling Stone, donc afin de souligner le 70e anniversaire de Bob Dylan qui devait avoir lieu le 24 mai 2011. C'est tout un addon. Mm-hmm. Mais je suis d'accord avec ça. C'est très bon. Like a Rolling Stone, vous êtes à l'émission La Classique sur les ondes de la seule station à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou. Once upon a time, you dressed so fine. Do the bumps of dime in your prime. Then you. People call, say beware doll. You're bound to fall. You thought they were all kidding you. Laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next it feel

huge crowd. I can drive down the road, my eyes don't see, but my mind wants to cry out loud. Avec I Feel Free. Ça, c'est tiré de leur premier album, Fresh Dream, qui est paru en 1966. Et juste avant ça, on a entendu Bob Dylan avec évidemment son immense classique Like a Rolling Stone, qu'on retrouve sur le tout aussi classique album Highway 61 Revisited, qui est paru en 1965. 11h27, vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie de M. Simon Fitzbé et moi-même, Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Là, on vient d'apprendre une très, très mauvaise nouvelle. Effectivement. C'est-à-dire qu'on sera hors d'onde pour au moins les 45 prochaines minutes. Alors, on va revenir avec Rock Classique dans les environs de 12h15, 12h30. En espérant vous retrouver. À plus.